Audiomatique. Le projet Not By Me introduisait cette transmission 206 d'Audiomatique grâce à sa pièce intitulée A Look, qui se retrouve sur le mini-album Not of This Realm, disponible par le biais de l'étiquette numérique de Games We Play. Vous êtes en compagnie des électronistes jusqu'à la prochaine incrémentation de l'heure, et d'ici là, des musiques électroniques seront audibles, à commencer par... Oh,

À Audiomatique, nous vous présentions la collaboration entre l'artiste allemand Ulrich Schnoss et l'artiste britannique Mark Peters, qui ont débuté leur association au sein, dis-je, du groupe de Mark Peters, Engineers, lorsque Ulrich Schnoss a joint la formation en 2010. Ici, de leur premier album conjoint, Underrated Silence, nous écoutions la pièce Gift Horse's Mouth. Et pour débuter ce segment, nous avions droit au groupe brooklynois Shadowbox, mené par la charmante Bonnie Baxter, qui est également membre du trio Kill Alters. Shadowbox nous interprétait la chanson Loveless Child de son mini-album Haunted by Colors. La prochaine séquence audiomatique est lancée avec la musique du projet Uji et sa pièce Godonga. Thank you. À Audiomatic, cette séquence de trois pièces se terminait abruptement sur la musique du projet Motivado de l'artiste chilien Mario Martinez. De son plus récent album Cobalto, sorti en 2017, nous entendions la pièce Celeste Crow. Avant Motivado, c'était le groupe Matanza et la pièce Queen de son album Dub America. Et on amorçait la séquence avec le projet Uji et sa pièce Godonga tirée du nouvel album intitulé Alborada. Cette fois à Audiomatic, nous enchaînons avec Claire Boucher ou si vous préférez Grimes. Thank you.

Ce qui concluait cette séquence musicale à Audiomatic est le groupe suédois Mike Snow, avec deux i, et la pièce Black Tin Box à laquelle participe la chanteuse suédoise Luke Lee. Cette pièce est tirée de l'album Happy to You. Nous avons également entendu tout juste avant la formation allemande Me Succeeds et leur composition Beneath de leur troisième album Rongo Rongo. Et pour débuter, il s'agissait de Grimes, l'incarnation musicale de Claire Boucher, de qui nous entendions la pièce Urban Twilight, qui est parue sur l'album Dark Bloom, qui comprend 5 pièces de Grimes et 4 pièces du projet canadien Dion. Cette transmission 206 d'Audiomatic se conclura sur la musique de la formation Aorakui et une pièce enregistrée live, soit la pièce Ciudad Genetica. Cette pièce paraît sur l'album qui s'intitule Online. Malgré la fin qui est proche, les électronistes n'ont pas dit leur dernier mot et Audiomatic n'a pas émis sa dernière note. Nous serons bien entendu de retour en direct sur les ondes de C'est fou mercredi prochain dès 17h et toutes les anciennes transmissions d'Audiomatic continueront d'être disponibles sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc, pour terminer, la formation Aorakui et la pièce Ciudad Genetica, pièce enregistrée en concert. C'est sur l'album Online. C'était Audiomatic avec les électronistes. Bonne semaine et bonne écoute. Thank you. Yeah.